qu'on a à faire, on le refait en beaucoup moins bien. Moment perdu, je cherche dans mes souvenirs ce qui n'existe plus, trompe-l'œil du découvrir qui fait courir les rues. Je sais, nous ne sommes pas des amants ordinaires. Les gamins nous jettent des pierres. Laisse-les faire, laisse-toi peur. Je vois pas pourquoi je remettrais ça à demain. Mais aujourd'hui, je veux bien prêter mon corps au tien. Juste les images, frissons des débuts. Moment perdu, y'a personne sur cette plage. Jusqu'où j'irai ainsi, il me faut le courage d'avoir encore envie. C'est comme cette trace de pneus en travers de mon lit. Fallait pas freiner les larmes, j'peux plus rien faire pour toi. Dalmatien, celui qu'on n'attendait pas, donne-moi la main. Je connais qu'on a qu'une vie, je vais faire l'idiot toute la vie. J'aurais beaucoup trop d'amis, trop d'amis. Gaspiller mon liquide, je ne serai jamais riche, mais ça coûte toute ma vie, toute ma vie. On le refait en beaucoup moins bien. Moment perdu, je cherche dans mes souvenirs ce qui n'existe plus. Trompe-l'œil du découvrir qui fait courir les rues. Je sais, nous ne sommes pas des amants ordinaires. Les gamins nous jettent des pierres. Laisse-les faire, laisse-les faire. Je vois pas pourquoi je remettrais ça à demain. Dès aujourd'hui, je veux bien prêter mon corps au tien. Je crois bien qu'on a qu'une vie. Je vais faire l'idiot toute la nuit. J'aurai beaucoup trop d'amis, trop d'amis. Gaspiller mon liquide, je ne serai jamais riche. Mais ça me dit toute ma vie.